Précoce génie scientifique, Blaise Pascal a laissé en littérature deux œuvres dont je voudrais vous donner un aperçu, Les Provinciales et Les Pensées. Mais auparavant, je tiens à vous lire son mémorial, trouvé sur lui au moment de sa mort, à 39 ans, en 1662. Ce mémorial conservait le souvenir d'une méditation suivie d'une extase mystique dans la nuit du 23 novembre 1654. Pascal avait alors 21 ans. Au moment où la maladie, la lassitude de la vie mondaine et surtout l'influence de sa sœur Jacqueline allaient entraîner Pascal vers l'abbaye de Port-Royal, bastion du jansénisme, cette doctrine religieuse sur laquelle je vous donnerai plus loin quelques précisions, Blaise Pascal inscrit donc sur un parchemin le fameux mémorial dont voici le texte intégral auquel j'ai ajouté la traduction de certaines expressions latines.